Ça va les amigos? Oui, ça va. Ah, il faut que je vous raconte. J'ai appris un truc hallucinant. Jeudi dernier, hallucinant. En fait, Daniel Morin, il est plus jeune que Nagui. Oui. Mais c'est oui, vrai. Je sais que tout le monde va faire oui, c'est des on-dit, t'as zéro preuve et quoi, Jean Lassalle, il est plus jeune que Matt Pokora. Non, mais j'avoue que ça frappe pas au premier abord. Hein. Quand tu vois Nagui avec Daniel, tu dis pas hey, Nagui, t'as amené ton petit frère. Non, tu dis hey, Nagui, t'as retrouvé ton prof de quand t'étais petit. Vraiment, c'est ça. C'est, je pensais à ça en lisant un dossier sur le système des retraites. Je vais me barrer encore une fois. Attends. Non, je me casse. Je lisais un dossier sur le système des retraites et ça fait débat en ce moment. Et je me disais, c'est ouf quand même, dans 5 ans, quand Nagui pourra enfin profiter de la petite île qui s'est achetée au sud de la France, là, je crois que ça s'appelle la Corse, ouais, je pense. Ça. Et bien Daniel, il sera encore sur France Inter à faire. Ah ben Moumoune, elle est dans un sale état. Vraiment, à ce moment-là. Oui, mais moi, on comprend quand je parle. Ça m'avait toujours laissé ouais, indifférent. Vas-y, reste, Daniel. Continue. Un peu de courage. Ça m'avait toujours... Viens, à côté de moi. Ça m'avait toujours laissé indifférent, les retraites, parce que je me suis jamais projeté si loin dans l'avenir, en fait. Vraiment, moi... J'ai jamais voulu devenir vraiment vieux. C'est Stéphane Hessel qui disait, moi, après 40 ans, j'ai dit que de la merde. J'aurais mieux fallu aller en boîte avec Jacques Seguela. En vrai, c'est vrai qu'indignez-vous, t'étais là, ouais, merci, on a que ça à faire. Mais ça m'a beaucoup marqué, cette phrase. Eh, viens, pour choix. Pendant longtemps, moi, je me suis imaginé que j'allais mourir à 27 ans, hein, comme Jim Morrison, vraiment. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai eu 28, comme Vianney, tu vois. Et franchement, ça m'a un peu découragé de mourir jeune, vraiment. Honnêtement, je me suis dit, du coup, tu sais quoi, tant qu'à faire, je vais essayer d'atteindre un objectif raisonnable, 61 ans, comme Philippe Léotard. Je me suis dit, si Philippe Léotard l'a fait, jusque 61 ans, franchement, ça se tente. En plus, moi, je fais tout pour... J'ai encore mangé un fruit il n'y a pas longtemps après la Pentecôte. Mais vraiment, ce week-end, moi, je fais 38 ans. Ce week-end, ça me donne envie de crever dans un yaourt maigre. Mais franchement, la retraite, elle arrive. Hein, elle arrive. Du coup, j'ai réfléchi au temps qui me restait à tirer comme chroniqueur sur France Inter, en fonction des critères de pénibilité au travail. C'est un des gros débats pour le moment. Il y en a 10 et les patrons voudraient en supprimer 4. Okay, donc, j'ai fait un peu le tour. Alors, critère de pénibilité numéro 1, la température extrême. Franchement, ça va. Il fait bon dans le studio encore. Franchement, je trouve. La preuve, c'est qu'il y a des gens du public qui partent jamais en fait. Franchement, madame là, elle est là depuis le 11 octobre, elle a pas bougé. Chaque fois que quelqu'un avait lui demandé de partir, elle fait non, vous inquiétez pas, j'attends Fabrice Drouel. Alors critère numéro 2, le bruit. Oui. Alors, j'ai toujours les questions de Nagui, en effet, ça fait un peu de bruit. Mais c'est plus lancinant que fort, hein, moi je trouve. En vrai, moi j'ai des acouphènes, de toute façon, je suis habitué à avoir un sifflement. Alors, critère numéro 3, les vibrations. Les vibrations, alors parfois, effectivement, ça vibre un peu dans le studio. Votre appareil, il est là. Et je dis toujours, moi, je m'en fous, je comprends que vous avez besoin de vous détendre un peu pendant l'émission, mais c'est plus pour pas utiliser les piles tout le temps, tu vois. Voilà. Je sais que madame, c'est tout pour le plaisir, mais pensez à la planète quand même. Voilà. Critère numéro 4, le travail de nuit. Alors, moi, ça m'est arrivé de travailler la nuit quand j'essayais encore de faire des bonnes chroniques. Maintenant, c'est passé. Alors, critère numéro 5, la répétition des tâches. Alors, moi, ça va, une chronique par semaine. Ça va. Cool. J'ai demandé à Tanguy Patiro, en revanche, on lui trouve que chroniqueur sur France Inter, c'est un peu répétitif quand même. Bah, forcément, quand tu veux maltraiter l'info 900 fois par an, il y a toujours un moment. Alors, critère numéro 6, les charges lourdes. Tom Villam disait, bah, parlons-en des charges lourdes, je dois me taper des milliers d'heures d'interview là, pour faire une chronique de 2 minutes 30, 9 fois sur 10, c'est les chier par la technique. Je lui dis, non, le critère c'est porter des charges lourdes. Mais oui, on est sur Inter, il me dit, il n'y a rien qui est numérisé, hein, toutes ces interviews elles sont sur gramophone. Voilà, donc, deux fois je me suis fait un tour de rein. Mais à part Tanguy et Tom, on est quand même privilégié comme chroniqueur Inter. C'est vrai, la retraite elle devrait arriver à 217, 218 ans pour nous. Je sais qu'Emmanuel Macron il n'aime pas qu'on utilise le terme pénibilité au travail parce que ça induit que le travail serait une douleur alors que d'après lui le travail c'est l'émancipation. Mais apparemment il nous regarde beaucoup travailler nous et un peu moins les gens dans le vrai monde. Allez, bonne émission les amis. Merci.